il est nommé souverain pontife, ses profusions et ses dettes. Déçu de l'espérance d'un commandement, César brigua le souverain pontificat et répandit l'argent avec une telle profusion qu'effrayé lui-même de l'énormité de ses dettes, il dit à sa mère en l'embrassant avant de se rendre au comice qu'il ne rentrerait pas chez lui, sinon comme pontife. Il l'emporta sur deux compétiteurs bien redoutables, bien supérieurs à lui par l'âge et par la dignité, et il eut même sur eux cet avantage de réunir plus de suffrages dans leur propre tribu qu'ils n'en eurent ensemble dans toutes les autres.